Congo, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux droits de l'enfant. La rédaction vous propose un reportage personnalisé sur les conditions de vie difficiles d'une famille de 5 enfants, dont 3 vivent avec handicap. Notre reporter les a rencontrés sur la colline Roussigan, commune Rugombo de la province Chivitoke. L'administration de la commune Guihang en province Ségouvanza prévient les détaillants des boissons Braroudi sur d'éventuelles poursuites judiciaires pour sabotage économique en cas de spéculation avérée sur leur prix. Dans ce journal, vous entendrez aussi le coup de gueule des consommateurs de carburant sur les irrégularités constatées dans l'utilisation de la nouvelle application Igitoro Pass pour s'approvisionner à la pompe. Et la chronique sur les messages de haine est centrée sur le langage contraignant. Les éclairages seront donnés par l'expert en leadership Emmanuel Ndikoumana sur base des témoignages des habitants de la commune de Guihanga. C'est en Provence, Mouvanza. Voilà pour le sommaire. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité apprécie les avancées du gouvernement en matière de protection des droits de l'enfant au Burundi. Néanmoins, des défis ne manquent pas selon le président de cette organisation. D'après ses enquêtes, sur la période de juillet à octobre cette année, plus de 280 enfants burundais ont traversé la frontière burundo-tanzanienne par jour pour des fins d'exploitation économique ou sexuelle. Dans une déclaration faite à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant, Maître Prime Mbarubukeye demande au gouvernement du Burundi de prendre toutes les mesures nécessaires pour freiner ce flux migratoire clandestin des enfants burundais. La Commission nationale indépendante des droits de l'enfant trouve que le respect des droits de l'homme reste d'actualité en Afrique comme au Burundi. Cependant, en ce 20 novembre, coïncidant avec le 35e anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, le président de cette commission constate que des défis persistent en dépit des progrès, notamment le phénomène des enfants en situation de rue. Dr Sixte Vigneni Muraba demande, entre autres, à l'État burundais d'accroître l'allocation budgétaire pour l'enseignement. Mireille Kanyanga a assisté à la conférence de presse organisée par la CNIDH. Suivez son reportage. La persistance du phénomène des enfants en situation de rue a été l'une des inquiétudes de la presse. Sur ce, le président de la CNIDH estime que chaque question doit être résolue de façon inclusive et en mettant en avant l'intérêt de l'enfant. Chaque mesure doit toujours servir dans l'intérêt suprême de l'enfant. Donc, la CNIDH n'est pas là pour se situer au gouvernement. Il y a des ministères qui sont chargés de suivre non seulement les droits de l'enfant, mais les droits de l'homme en général. Mais parmi les suggestions, si vous avez lu nos différents rapports, on a toujours suggéré au gouvernement de toujours mener des études approfondies et de faire intervenir tous les acteurs possibles pour que la question en rapport avec les droits de l'enfant, surtout ces enfants en situation de rue, soit traitée et résolue d'une façon inclusive. Donc, on doit étudier où vont aller ces enfants, quelles sont les causes qui ont fait que ces enfants puissent abandonner leur famille, parce qu'il y en a qui sont dans les rues alors qu'on connaît que leurs parents se trouvent à la colline. Il faut qu'on sache exactement quels sont les mobiles de ce déplacement. Pour ce qui est des enfants n'ayant pas l'âge requis, qui sont amenés en Tanzanie ou dans d'autres pays voisins à la quête du travail, la CNIDH se réjouit qu'il y a eu des arrestations. Je sais qu'il y a des efforts qui ont été fournis pour que on puisse arrêter ce processus. Il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées. La CNIDH est témoin que dans certaines provinces, que ce soit à Rutana, que ce soit à Makamba, ainsi de suite, il y a même des véhicules qui ont été saisis parce qu'ils transportaient ces enfants. Il y a même des décisions judiciaires qui ont été prises pour qu'on puisse décourager les gens qui font ce trafic d'enfants. On encourage le gouvernement non seulement à continuer à poursuivre en justice les auteurs, mais aussi à faire des sensibilisations pour que les gens connaissent que c'est une infraction de transporter ses enfants en Tanzanie ou dans d'autres pays, alors qu'ils n'ont pas l'âge requis. Lors de cette conférence de presse, la question relative aux enfants en prison avec leur mère a également été soulevée. Sur ce, Dr Sixte Vigny Nemuraba, président de la CNIDH, a rappelé que la place de l'enfant n'est pas en prison, qu'il faut trouver d'autres alternatives. En rapport avec les enfants qui sont dans les prisons, je dois souligner qu'au moins on peut vous rassurer que jusqu'à un certain âge, jusqu'à 3 ans, les enfants ne restent pas dans les prisons. Donc, on encourage le gouvernement à aussi trouver d'autres mesures alternatives pour que, s'il arrive qu'une femme, une mère, soit emprisonnée, que quand même tout soit fait dans l'intérêt, comme je l'ai dit auparavant, suprême de l'enfant. Avec la célébration du 35e anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, le Burundi l'a ratifié le 16 août 1990. Mireille Kanyang. Certains enfants de la colline Rusiga, commune Rugombo de la province de Cibitoke, vivant avec handicap, se plaignent des conditions précaires dans lesquelles ils se trouvent. En effet, ils affirment qu'ils peuvent passer des journées entières sans manger. La situation s'est aggravée quand leur père les a abandonnés à cause de leur handicap. En cette journée mondiale dédiée aux droits de l'enfant, notre reporter Ornella Mucho nous emmène dans une famille de 5 enfants, dont 3 en situation de vulnérabilité. Ce sont certains enfants de la colline Rusiga, en commune Rugombo de la province de Cibitoke, issus d'une famille à faible revenu de 5 enfants, dont 4 filles. Parmi elles, 2 vivent avec handicap, et un garçon de 10 ans vivant lui aussi avec handicap. Ces enfants indiquent qu'ils mangent rarement 3 repas par jour et surtout en qualité et quantité insuffisante. Dans cette famille de 5 enfants, l'aîné a 18 ans et la cadette a 8 ans. C'est seulement cette dernière qui a eu la chance d'avoir accès à l'école. Toutefois, elle indique qu'elle s'absente souvent suite aux conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Parfois, on mange seulement un plat de haricots ou de feuilles de haricots. C'est rare qu'on soit rassasié. Alors, si je me présente à l'école dans ces conditions, je somnole et les enseignants me disent de rentrer à la maison pour mieux se reposer. Cette fillette indique aussi qu'à part cette pauvreté alimentaire, le logement est aussi indécent puisqu'ils ne parviennent pas à se couvrir comme souhaité. Lorsqu'il pleut ou fait froid, je n'arrive pas à avoir un habit protégeant contre le froid parce qu'on a peu d'habits, en plus de vieux habits. Nous dormons sur une natte à 4 grâce à un bienfaiteur qui nous l'a donné. Et on se couvre en selpagne qui est déchirée. Leur souhait est qu'ils vivent dans de bonnes conditions comme d'autres enfants et demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Entre-temps, ces enfants disent qu'ils souhaitent devenir des sœurs de la doctrine chrétienne pour s'engager au service de l'Église, mais aussi aider les autres enfants en situation de pauvreté. À côté de ces enfants, leur mère demande aussi d'être appuyée pour subvenir aux besoins de leurs enfants, surtout pour les filles en âge d'adolescence dont leurs besoins sont spécifiques. Ces enfants sont nés en état physique normal, mais après, ils ont commencé à avoir des malformations et sont devenus handicapés. J'ai essayé de les faire soigner dans presque tous les hôpitaux, jusqu'à vendre notre maison, mais en vain. Alors leur papa, après avoir constaté tout ça, il est parti et nous a abandonnés. Mes enfants mangent une alimentation déséquilibrée et de mauvaise qualité. Ces enfants vivant avec handicap souhaitent aller à l'école. Je n'ai pas de moyens. J'ai besoin d'être soutenue. Le chef du cabinet du gouvernement Saïdi Anissé indique que l'administration suit de près cette situation et qu'il a déjà cherché des orphelinats pouvant les accueillir sans succès. On n'a pas encore trouvé un orphelinat qui accueille ses enfants. Autre chose, nous pensons que si on pouvait trouver aussi une organisation non gouvernementale qui pourrait aider, appuyer ses enfants dans leur ménage, ce serait encore mieux. Dieu a dit, aimez vos enfants, éduquez vos enfants. Si ton enfant n'est pas éduqué, c'est même un péché. C'est pourquoi nous interpellons alors nos populations d'être responsables, mais aussi d'être sensibles à leurs enfants. Mais aussi, nous les invitons à accepter les conseils donnés par les structures de santé et l'administration par rapport à des problèmes familiales pour qu'un ménage puisse avoir des enfants dont il est capable de préparer leur avenir. Gérard Nyondima, coordinateur provincial au centre FVS Amis des enfants qui milite pour les droits des orphelins et des enfants en situation de vulnérabilité, indique que dans cette province de Chibitoke, il y a plusieurs cas d'enfants nécessitant d'être soutenus dont le FVS ne peut se le prendre en charge. Il y a beaucoup d'enfants, des OEV qui méritent d'être assistés. En tant que FVSC, nous ne pouvons pas combler tous les enfants. C'est-à-dire, nous travaillons en consortium avec les autres organisations, qu'ils soient internationales ou locales, par exemple l'UNICEF. D'après un rapport de l'UNICEF de 2024, publié à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, l'avenir de l'enfance pourrait basculer en 2050, à moins que des mesures urgentes ne soient prises pour préserver les droits de l'enfant. On est là, mucho, de retour de Chibitoke. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une enquête réalisée par le ministère de la Communication, des Technologies, de l'Information et des Médias révèle que 68% des hommes et 19% des femmes utilisent les appareils numériques de télécommunication et sont concentrés en grande partie en milieu urbain, à raison de 26% contre 13% en milieu rural. Le rapport sur cette enquête a été présenté ce mercredi lors d'un atelier de validation et d'après le consultant Désiré Mounet Zéro, l'insuffisance du courant électrique, le coût élevé des services et la mauvaise qualité des connexions sont les principales entraves à l'utilisation du numérique au Burundi. Les obstacles à l'accès à l'utilisation des TIC, il y a d'abord le fait que pour la plupart de ces équipements, sinon tous les équipements, demandent la disponibilité de l'électricité ou bien au moins du courant. Or, la grande partie de la population n'accède pas à l'électricité. Dans certains milieux, ruraux par exemple, ou même urbains, on sait qu'il y a souvent des coupures. Et quand il y a des coupures et que tu ne peux pas charger ton téléphone, tu ne peux pas l'utiliser. Et avec le niveau de pauvreté que nous avons, si vous avez acheté quelque chose cher et que vous ne pouvez pas utiliser, vous avez perdu. Ça a aussi l'impact sur la fiabilité, la connectivité par Internet ou bien sur le réseau mobile. Parce que la plupart des antennes qui sont utilisées par les compagnies de télécommunications, ce sont des antennes qui utilisent l'électricité. Et quand il y a coupure d'électricité, il faut donc utiliser soit les générateurs électriques, les groupes électrogènes qui consomment beaucoup de carburant. Vous savez qu'actuellement, il y a un problème de carburant. Et avec le niveau de vie dans Burundi moyen, le coût d'acquisition est très élevé. L'utilisation demande au-delà de l'accessibilité physique, mais aussi l'intellectuel. Le niveau de formation, est-ce que les gens peuvent utiliser? Est-ce que les gens sont capables d'utiliser? La voie de solution pour permettre l'accessibilité au TIC, et la première chose, c'est permettre à la population d'accéder à l'électricité. Il y a aussi le fait que l'accès dépend du coût d'acquisition de ces appareils. Et le coût d'acquisition, il faut que ça soit réduit. Certains consommateurs de carburant estiment que la digitalisation de la distribution du carburant par l'application Igitoro Pass complique leur approvisionnement en ce produit. Certains transporteurs qui se sont exprimés à mairie de Bujumbura déplorent qu'ils constatent que la quantité de litres permise a été réduite, comme s'ils auraient été servis alors qu'ils ne sont pas passés à la pompe. D'autres manquent de connexion Internet. Tous sont unanimes pour dire que la seule solution à ce problème est la disponibilité du carburant. On considère qu'on a déjà consommé le nombre de litres permis si ton tour arrive sans qu'il y ait du carburant. Sont servis donc par la suite les numéros d'immatriculation suivants. Sans parler des détenteurs de petits téléphones, ceux qui disposent de smartphones peuvent passer tout le mois sans être servis pour cause de faible réseau Internet. À titre illustratif, pour un consommateur ayant une marge de 300 litres, prenons qu'il consomme 100 litres pour la première tranche et s'il y retourne après 3 jours seulement, il trouve que les 300 litres ont été consommés. Cela nous inquiète. Qui profite de cette application? S'agit-il des consommateurs du carburant ou des pompistes? En synthèse, quel est responsable chargé de fournir du carburant? Il consomme apporter plus d'efforts une fois le carburant suffisant, cette application ne serait même pas nécessaire. Normalement, les chauffeurs devraient être sensibilisés et la connexion Internet améliorée à l'avance, car la distribution est handicapée souvent par cette dernière. Que la catégorisation de la distribution suivant les jours soit suspendue, car si on n'en parvient pas à passer à la pompe le jour prévu, on n'est plus servi. Quel responsable de cette application veille au respect des quantités prévues pour qu'elles restent inviolées si on ne parvient pas à être servi? Je demanderai à ce que le carburant reste disponible du moment que les responsables ont jugé bon d'utiliser cette application pour la distribution du carburant. L'administrateur de la commune Guihang en province de Bouvanza met en garde certains détaillants et grossistes détenteurs de dépôts qui spéculent sur les prix des produits des boissons braroudis. Par exemple, ils en arrivent à vendre à 6 000 ou 7 000 francs burundais la bouteille d'Amstel, qui ne devrait coûter officiellement que 3 500 francs burundais. Lors d'une réunion avec ses commerçants ce mardi, il a averti qu'ils encourent des poursuites judiciaires pour sabotage économique. Spes Caritas Cavagnana. Certains commerçants de boissons braroudis qui se lamentent du manque de boissons suffisantes dans les dépôts et qui est donc obligé de rehausser le prix jusqu'à 4 000 francs, 5 000 francs une bouteille de Primus et 6 000, 7 000 et même 8 000 francs une bouteille d'Amster. Lors d'une réunion tenue ce mardi dans les enceintes de la commune Guihanga, les commerçants ont soulevé différents problèmes qui les poussent à rehausser le prix de ces boissons, entre autres des dépôts et mégas qui ne sont pas suffisamment approvisionnés, et les commerçants sont obligés d'aller chercher ces boissons dans les provinces voisines comme Bujumbura et Cibitoke. Ils déplorent également la distribution jugée injuste dans les dépôts, puisque des pots de vin sont quelquefois donné aux distributeurs de ces boissons pour faciliter les uns ou les autres. De son côté, Léopold Aïssava, administrateur de la commune Guihanga, parle ici des mesures prises pour arrêter cette hausse des prix. Nous avons interdit d'apporter des boissons en dehors de la commune de Guihanga parce qu'il y avait des spéculations. Ces commerçants disaient que lorsque nous approvisionnons en dehors de notre commune, on doit à tout prix faire une majoration afin de récupérer les frais dépensés lors du transport. Actuellement, celui qui va encore être surpris en train de faire la hausse des prix, il sera vraiment puni sévèrement. Son bar sera fermé. Également, il sera vraiment mis devant les juridictions pour faire des enquêtes parce que, quant à moi, je dirais que c'est un sabotage économique. Ensuite, celui qui se verra son bar fermé, il sera rayé de la liste des bénéficiaires de ces produits braroudis pendant une certaine période. Nous avons interdit aux méga de pouvoir approvisionner directement les propriétaires des bars sans toutefois passer par les dépôts. Les commerçants se lamentent également du fait que dans les dépôts, ils sont souvent obligés de prendre quelques caisses de Fanta ou d'Amstel Royal pour recevoir des caisses de Primus et d'Amstel. Spécialitas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. On passe maintenant à la chronique sur les messages de haine. Parle, rassure-moi. Le langage contraignant est une attitude qui affecte le climat social. Selon l'expert en leadership Emmanuel Ndikumana, s'il est utilisé par des leaders, ce langage peut conduire à des violences de masse, car il amène les membres d'une communauté à se désolidariser. Ceci est confirmé par les habitants de la commune Guihanga en province de Bouvanza, qui disent que des menaces surgissent, surtout à l'approche des élections. L'administration, à son tour, ne cesse de prodiguer des conseils en pareille situation et parfois sanctionne les récalcitrants en cas d'exagération. Francine Ndiokougaï. Ils sont de la colline Rumotomoto en commune Guihanga. Selon ces derniers, ces messages menaçants s'observent surtout en période électorale où les gens cherchent à faire peur aux autres. Dans notre société, les messages ne menaçant se remarque toujours. Depuis la guerre de 1993, on a vu l'évolution de ces messages, surtout pour les gens qui ne partagent pas l'appartenance politique. Nous sommes des humains. Personne ne peut vraiment nier que ces messages existent dans notre société. Dans nos partis politiques, la cohabitation est vraiment pacifique. Mais pendant la période électorale, il se remarque souvent des messages de haine menaçant les uns des autres par rapport à leur appartenance politique. Parfois, les membres des partis politiques se changent des mots violents par rapport à celui ou celle qui gagnera les élections. Ce langage contraignant, s'il est tenu par un leader, peut entraîner de violences de masse, comme l'indique Emmanuel Ndikumana, expert en leadership. Dans le contexte où nous sommes, vous avez trouvé que certains, parmi les gens qui vous écoutent, il y a ceux qui sont déjà acquis à votre cause. Et souvent, quand ils entendent ce genre de langage, ils vont agir comme des amplificateurs. Donc la voix est même portée plus haut. Non seulement dans le sens verbal, mais ces gens se sentent encouragés à mettre en action, à contraindre les autres. Alors que il y a justement d'autres qui peut-être n'entendent pas les choses de cette manière. Alors eux, il va se passer deux choses. Soit, donc, quand ils voient le rapport de force et qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas se défendre physiquement, en disant la violence, ils vont commencer par se taire. Et souvent le silence, on peut l'interpréter comme étant une manière d'accepter, alors que c'est la façon la plus dangereuse qui prépare l'explosion. Le leader, il est un, mais ceux qui le dirigent, ils sont beaucoup. Et ceux qui sont dirigés doivent comprendre qu'ils ont plus en commun entre eux que celui ou ceux qui les dirigent. Le secrétaire permanent de l'administrateur de Gihanga, Christophe Bigirimana, reconnaît lui aussi qu'à cause de ces messages, le tissu social se déchire, ce qui appelle la vigilance de l'administration. S'il y a conflit social, il n'y a pas de travaux de développement. Parce que dans les travaux de développement, il faut que les gens travaillent ensemble et conçoivent les mêmes projets ensemble. Les exécute ensemble. Pour décourager la prolifération de ces messages menaçants, nous continuons à faire des sensibilisations au niveau de toutes les collines, sur toutes les couches sociales, que ce soit au niveau des jeunes, des adultes, puis aussi au niveau des partis politiques. Nous organisons des réunions interpartis politiques pour leur dire que l'intérêt supérieur de la nation prime sur les intérêts qu'ils visent. L'expert en leadership, Emmanuel Ndikumana, encourage les responsables à bien réfléchir avant toute communication pour éviter de dire des choses qui peuvent amener la population à une révolte. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.